Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Verino. Salut Verino, comment tu vas? Salut, salut. Ouais. C'est en galérant qu'on devient humoriste, j'aime bien ça. Bah, c'est franchement, il y a beaucoup de gens qui me font la remarque et je suis vraiment ravi que le slogan parle aux gens parce que c'est exactement le... Tu vois, ça fait des années que j'avais le slogan dans la tête. J'ai lancé le podcast en 2018, mais ouais. À la base, j'avais eu l'idée de ce slogan-là, genre en 2015 peut-être ou un truc comme ça, parce que ça faisait 3 ans que je faisais de l'humour et effectivement, j'ai bien galéré. Ah bah ouais, puis je crois que c'est notre histoire à tous, quoi. Enfin, tu vois, moi, c'est vraiment le... Voilà, évidemment, avec tout ce que... Ça fait écho à Inglorious Comedy Club, ça fait écho à Pas Glorieux, mon propre podcast, ça fait écho à... Enfin, c'est vraiment, je pense même, notre credo à tous en réalité, effectivement, à accepter d'être parfois médiocre pour progresser et puis passer à l'étape d'après, quoi, parce que c'est ça, en fait, tu peux pas arriver directement en haut. Si, t'as bien reçu les gars qui sont directement au sommet. Des mecs qui te disent, moi, je comprends pas, j'ai pas galéré. Ah, mais non, j'en ai pas mal qui me font la blague, genre, oh ben non, moi j'ai jamais eu de galère ni rien, tu vois, mais ah, c'est tellement peu crédible, mais bon, ça va, c'est pour rigoler, tu vois, parce que je pense que tous les artistes, on est un petit peu des artisans de la loose, tu sais, on est un peu des sculpteurs, tu vois, on part d'un truc complètement loose et on va essayer de le tailler pour en faire quelque chose de plus présentable, quoi, tout simplement. Oui, exactement. On dirait que t'es un cuisinier raté qui met la table. Tu sais, mais qu'il a fait un plat dégueulasse, mais on a mis des jolies fourchettes. Et c'est assez juste, effectivement, quoi. Réussir à faire en sorte que le truc ressemble à quelque chose à la fin. Et puis même, en fait, c'est une philosophie. Enfin, le stand-up, c'est au-delà de raconter des blagues. On limite tout le temps raconter les blagues à raconter sa vie. On a souvent ça avec les journalistes qui te disent, mais alors, comment vous montez sur scène et vous parlez de votre vie, quoi. Bah non, en fait, je raconte pas ça. Je raconte mes angoisses, je raconte mes échecs, je raconte tout ce qui est le plus violent à vivre aujourd'hui, tout ce que le monde nous conseille de ne pas regarder en face, tu vois. Aujourd'hui, on est fait pour ne plus souffrir, on est fait pour ne plus rien supporter, aucune douleur, aucune gêne, aucune tout ça. Et je crois que l'humoriste, il est là pour dire, bah non, en fait, ça existe d'être gêné, ça existe de souffrir, ça existe d'être triste, et c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est même très marrant. Ouais, absolument, moi je m'en suis rendu compte, il y a eu un petit virage, même dans l'humour, hein. À une époque, tu vois, la mode, c'était vraiment de se faire passer pour le mec parfait, machin, enfin je sais pas, c'est genre quelqu'un qui avait une vie parfaite et tout, et en fait, de plus en plus... Ouais, exactement moi. Mais tu vois, il y a de plus en plus une espèce de sincérité en mode, je vais pas vous faire rire en vous disant que je suis le meilleur, je vais vous faire rire en vous disant que je suis pire que vous, tu vois. Ouais, c'est une espèce d'autodérision qu'on a maintenant et puis qui fait du bien, hein, parce que c'est vrai que maintenant, tu sais, regarde, même les films et tout, tu sais, aujourd'hui, on veut faire des films sur des sujets vraiment catastrophiques, on veut montrer la réalité du terrain, tu vois, des choses qu'on ne montrait pas avant, on veut en fait que la télé, alors c'est peut-être un effet de la télé-réalité, je sais pas, mais on veut de plus en plus que les choses soient proches du réel. Ouais, c'est ça. C'est intéressant de voir ce que tu viens de dire là, Star Wars par exemple, c'est une bonne image de ça, parce que dans Star Wars, il y a toujours eu les gentils et les méchants, et dans les derniers épisodes qui ont été diffusés au cinéma, clairement, le méchant, il n'est pas tout à fait méchant, le gentil n'est pas tout à fait gentil. On commence à se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas juste le clan du bien et le clan du mal, et l'humanité est complexe, et on commence à traiter cette complexité, quoi. Mais je trouve aussi, effectivement, que dans l'humour, ça s'y prête, c'est-à-dire qu'on peut être un humain et être un con, par exemple. On peut... tu vois, on n'est pas obligé de se faire passer pour un antiraciste si, dans le fond, on l'est un petit peu, et que le message qu'on a envie de faire passer, c'est que les Arabes, c'est pas bien. On a le droit de le faire, mais t'as intérêt à le faire très très bien, quoi. Tu vois. D'accord. C'est la fin du podcast, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Verino, de... Voilà, enfin, j'ai réussi à faire passer mon message. Ça fait des années que je voulais te dire ça en face. Écoute-moi bien, Sofiane. Les Arabes, c'est pas bien. En plus, je serais un raciste de merde. Parce que c'est vraiment le discours zéro du racisme. Ouais. Non, mais ça ferait tellement un slogan, tu sais, pour un parti, genre un, tu sais, le Rassemblement National, mais pour les enfants, tu sais. Genre, les Arabes, c'est pas bien. Tu sais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, et l'évolution des médias, tout ça, des films qu'on nous présente et tout, c'est vrai que ça va dans ce sens-là, t'as raison. Moi, je vois, tu parlais tout à l'heure de Star Wars et tout, cette espèce de, tu sais, c'est plus un univers manichéen dans lequel il y a que le bien et le mal et tout. Moi, j'ai vu ça surtout avec la série Cobra Kai, t'as regardé ou pas? Non, non. Est-ce que tu as regardé Karate Kid à l'époque? Ouais. Voilà, donc Karate Kid, Ah ouais, ça très longtemps, bien sûr. C'était, je sais plus, 80, 89 ou un truc comme ça, ou je sais Ouais, plus. c'est ce Enfin que bref. j'aurais dit moi aussi. Et donc, à l'époque, c'était très manichéen. C'était Daniel LaRusso, tu vois, qui était le gentil, qui se faisait attaquer par le méchant Johnny Lawrence, tu vois. Hein? Ouais. Non, pardon, j'ai chanté LaRusso. Tu sais, je suis humoriste. Ça fait des mois que j'ai pas fait de vanne. Tu me dis LaRusso, je suis parti, quoi. Fais-toi plaisir, je suis compatissant à ce niveau-là, tu vois, moi-même, je galère et tout. Donc, tu sais quoi, moi, dans mon bus, je te comprends, hein, le besoin de sortir des blagues et tout. Moi, dans mon bus, quand je chope un client un peu réceptif, je l'enchaîne, je te promets. On Je dirait te que tu me jure. tapes. Je Non, mais c'est... l'enchaîne, on dirait vraiment le mec. Ah, mais je l'enchaîne de vanne, je te jure, limite, le mec, il est là. Non, mais je descendais, il y a 3 arrêts, monsieur. Hein. Non, mais je m'en fous, tu restes là, C'est c'est... bon ça. Ah, mais quand tu trouves Reprends le ticket, quelqu'un... s'il te plaît. Non, bah ouais, Bah, ça mais serait oublie. bien encore. Non, le ticket, je lui T'as offre tellement je suis content qu'il soit là, tu vois ce que je veux dire? Ah non. le droit de Mais faire donc, ça en vrai? genre de séquestrer des gens, non. Non. On n'a pas le droit de séquestrer les gens, d'accord. Non, d'offrir un ticket à quelqu'un. Oh. Bah, alors, en toute honnêteté, oui, mais tu vas l'offrir sur Ouais. ton salaire, tu vois. Je veux dire, il n'y a rien de. D'accord. L'entreprise va te dire, tu veux donner un ticket à quelqu'un, vas-y, donne-lui, mais en gros, parce qu'en fait, on gère nos propres caisses, tu vois. Donc, ça fait que. D'accord, ouais. Bah, en gros, à la fin, eux, ils te À la demandent, fin, nous, on oui, ils t'a te donné. prennent ça. Voilà, non, D'accord. mais eux, ils vont juste te dire, on t'a donné tant le jour où tu es rentré, on veut que tu nous redonnes la même somme le jour où tu t'en vas, c'est tout. Donc, c'est à toi de te débrouiller, tu gères, tu vois, tu utilises l'argent pour des tickets ou te payer un croissant le matin, ben, à la fin, il faudra que tu combles Oui. le vide, c'est tout. Ok, je Voilà. comprends. T'as remarqué, hein, j'ai dit croissant, j'ai pas dit pain au chocolat ou, tu vois, je voulais pas Ouais, lancer pour le débat éviter les... chocolatine, tout Ouais. ça, voilà. Bah, t'allais relancer le débat chocolatine et donc les Arabes, c'est pas bien. Mais tellement, Tu ben oui, ça rejoint l'histoire du croissant. Ben le croissant, bien sûr, je suis tellement bête. Enfin bon, vois. en tout cas, pour en revenir donc à Karate Kid, c'était très manichéen à l'époque. Tu sais, c'était un peu comme Bioman, tu sais, le sketch Tout à qu'avaient fait fait. les Inconnus. Tu sais, je suis une gentille et je suis poursuivi par un méchant, tu vois, c'est un peu ça. Et Ouais. après, Cobra Kai, mais vraiment, je te le conseille si tu as aimé le film Karate Kid, même si tu l'as pas aimé, je dirais, parce que celui-là, ils ont été beaucoup plus loin. Je trouve que c'est super parce qu'ils reprennent beaucoup de codes des trois films, parce qu'il y a eu trois films, tu vois. Mais Ouais. maintenant, c'est avec comment dire, la situation, la société actuelle et puis la sincérité actuelle. C'est-à-dire que Daniel LaRusso, qui était le gentil, au cours de la série, tu vois, il y a 3 saisons pour l'instant, il devient méchant quand même de temps en temps. Tu vois, des fois, il est méchant. Johnny Lawrence, qui était un vrai bâtard, de temps en temps, tu sais, tu vois, il montre que les gens ne sont pas tout blancs ou tout noirs, tu vois. Est-ce que ça, c'est pas en réaction aussi au fait que y ait de plus en plus de médias et que donc on se rende compte aussi de ce que ça donne. C'est-à-dire que les séries avant étaient manichéennes, les films étaient manichéens, et donc du coup on ne se rendait pas compte de l'impact que ça avait sur la société. Et aujourd'hui, à force d'être tout blanc, tout noir, gentil, méchant et très très tout l'un ou tout l'autre, bah, en fait ça a fabriqué le web qu'on a connu depuis une dizaine d'années où tout le monde s'égorge, quoi, tu vois. Donc est-ce que Ouais. c'est pas aussi en réaction à tout ça que... Les contenus ont fini par être un peu moins manichéens. Je crois que Ouais. le mot qu'on va utiliser jusqu'à la fin de la vie, ce sera ça. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, je te demanderai de me raconter tes anecdotes manichéennes tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est un mot stylé quand même, manichéen. Tu vois, tu peux pas le placer tous les jours. Ouais. Quand tu vas acheter ta baguette, si tu arrives à placer manichéen, c'est que vraiment t'es balèze, quoi. Non. En tout cas, au niveau de Cobra Kai, alors attends que je me souvienne. Ouais, c'est vraiment genre, tu vois, ils ont mis de la nuance. J'ai l'impression que tu veux dire que la nuance, elle était nécessaire pour dire aux gens, ne vous inquiétez pas. Tu sais, parce que limite, on conditionnait les gens si quelqu'un sentait qu'il avait fait Ouais, je quelque me chose de demande. mal. Tu vois, voilà, Ouais. limite, ils se disaient, bon, bah, du coup, je suis méchant maintenant, tu vois. Alors qu'en fait, non, Mais on est regarde, tous. quand t'es gamin et que tu fais une connerie, ça y est, t'es calibré comme l'enfant à problème. À partir du moment où t'es calibré comme l'enfant à problème, il n'y a aucune raison que t'arrêtes de faire des conneries puisque t'es un enfant à problème. Ouais, bah ça nous cataloguait, alors qu'aujourd'hui, on sait tous que même l'enfant le plus gentil du monde, un jour, il va te sortir un truc, tu vois, voilà, je veux dire, il va faire une bêtise, il va faire peut-être du mal à quelqu'un sans le vouloir, ou avec une légère volonté, mais pas à ce point-là, ou je sais pas, tu vois, mais je veux dire, enfin, tout le monde, personne n'est tout blanc ou tout noir, c'est impossible. Ouais. On n'est pas des anges, tu vois. On a des côtés blancs, des côtés noirs. On a des tendances, en fait. De temps en temps, tu vas être dans une période où tu vas être beaucoup plus porté vers le bien que vers le mal, tu vois. Et puis des fois, un peu moins. Ouais. Un jour, tu vas tricher un examen. Un jour, peut-être, tu vas usurper la place de quelqu'un. Je sais pas, je dis une bêtise, hein, mais je veux dire, Non, puis après, il y tu a peux pas aussi savoir, quoi. l'impact de tes décisions. C'est-à-dire, moi, dans l'absolu, vraiment, je ne veux faire de mal à personne. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de blesser les gens. J'ai pas envie de les faire chier. Malgré tout, il y a 2 semaines, j'ai sorti un sketch où ça parlait de transgenres avec Monsieur et Madame Patate qui sont Oui. dégenrés maintenant. Ben, il y Mmh, a je l'ai vu, plein de ouais. gens qui ont souffert de ce sketch parce qu'ils m'ont dit, ah ouais, mais encore un truc sur les transgenres. Donc il y a un moment moi, dans ma volonté d'être plutôt ouvert, c'est très curieux de dire ça, parce que c'est pas toi qui décides de l'être ou pas, mais franchement, je me suis renseigné, j'ai fait attention à ce que j'ai raconté, je considère toujours que j'ai fait aucune erreur. Malgré tout, dans le simple fait de traiter ce truc-là, il y a des gens qui ont souffert. Donc tu te dis, bah oui, Oui. il y a un moment, en fait, de toute façon, même quand tu as une bonne volonté, même quand tu es parfait, il faut réaliser que de toute manière, enfin, même quand tu es parfait, même quand tu cherches, en tout cas, à pas faire d'erreur, de toute manière, tu peux quand même blesser des gens et donc être considéré comme le mal par certains, quoi. Ouais, mais bien sûr, il y a des gens en fait qui ne regardent même pas le contenu, ils regardent juste l'apparence, tu vois, le Ouais, titre, c'est ça. c'est-à-dire, voilà, ils se disent, oh non, il a parlé des transgenres, et ils vont pas dire, il a dit du mal des transgenres, ils vont dire, il a Non. parlé des transgenres, tu vois. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu en parles, ils veulent, il y a des gens qui sont allergiques au sujet, dès qu'ils entendent un sujet, hop, ils se braquent tout de suite et ils regardent même pas ce qu'il y a dedans. Tu sais, c'est un peu Ouais. le système de tout ce qu'on voit sur Internet, tu sais, quand ils disent, ouais, 10 raisons de je sais pas quoi, la numéro 4 va vous étonner. Tu Ouais. sais, c'est juste, c'est attraper les gens par le titre d'un truc, et ben c'est. Conditionnement, ouais. Voilà, et ben ces gens-là sont conditionnés. C'est genre transgenre, ça y est, ils cherchent plus rien. C'est marqué transgenre, c'est terminé. Ils Il y veulent en a rien marre de parler savoir. de nous comme si on était des objets de foire. Ah oui, bah, Ouais, ouais. non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc. Voilà. Bah surtout que moi je l'ai vu la vidéo, elle est pas du tout offensante ni rien, tu vois. Je veux dire. Je crois pas. Je crois que j'étais assez malin. Hein. Franchement, j'étais fier de moi à la fin. Je me suis dit, Non, ah, c'est enfin marrant, j'ai t'as. réussi à convaincre. Non, je sais Bah pas. le. C'était Ouais, fou. l'angle était intéressant et tout, et puis Ouais. voilà, tu vois. En plus, je suis du côté de celui qui souffre. Hein. Enfin, tu vois, c'est con, mais Mais oui, c'est bah une oui, bah. vidéo. C'est très pro-transgenre, en fait. Il n'y a pas du tout de. Enfin, je veux dire, ouais, j'ai pas tapé sur la victime en fait, parce que moi c'est ça que je pense que l'erreur dans l'humour, c'est ça, c'est de taper sur la victime, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Attends, j'avais entendu ça l'autre jour, une expression en anglais, genre qui dit you don't punch down, tu vois, genre faut jamais Ouais. frapper vers le bas, tu vois, il faut toujours frapper celui qui est plus haut que toi, comment dire, Ouais. l'agresseur entre guillemets, je sais pas, mais voilà, tu peux pas taper sur ceux qui ont déjà des soucis et tout machin, et toi t'as pas Bah tapé dessus, pas ouais, du tout, tu c'est vois. horrible. Non, Ah ouais, oui. bien sûr. Non, mais en plus, moi, je te connais, je veux dire, je suis ce que tu fais depuis longtemps et tout. Et franchement, je pense qu'en humoriste, tu vois, tu disais que tu étais ouvert et tout. Je pense que je peux le confirmer. Je veux dire, voilà, tu fais partie quand même des humoristes bienveillants et tout. Il n'y a pas de volonté de choquer ou je sais pas quoi. Oh non, Enfin, non, voilà, ben non, non. ça m'amuse pas. Puis j'aime bien diffuser du bien, moi j'aime bien, je me dis, si j'arrive à faire en sorte de diffuser de la joie, c'est cool. Tu Bah, vois, mais je absolument. crois que tu es un peu comme ça aussi, tu es un humoriste positif, quoi, t'es pas. J'essaye aussi, tu vois, parce que mon but vraiment, c'est, tu vois, moi je fais de l'humour familial et tout, mon but c'est vraiment d'être, tu sais, que les gens repartent avec la banane, je veux vraiment pas qu'ils se disent, Ouais. tu sais, qu'il y ait une partie de la salle qui se dise, ouais, les autres ont rigolé, mais moi franchement, je me suis senti mal tout le long, j'avais mal, ils tapaient sur moi et tout, j'ai jamais aimé ça, tu vois. Je vais te donner un exemple. Un jour, j'ai vu un humoriste, bon, je le nommerai pas, tu vois, j'étais au Café Oscar et dans le public, il a vu un mec qui avait des sourcils un peu fournis, tu vois. Ouais. Et il l'a regardé direct, première vanne, il est monté sur scène, même pas il a fait des vannes ou direct il est monté, il attaque le mec, il lui fait, hé hey, frère, t'as des sourcils, on dirait un vendeur de kebab. Bon. Mais la salle, Ça elle. blesse tout Mais. Ah, le alors non, ça monde. blesse le mec. La salle, elle Ouais. était écroulée, hein. Elle était morte Ah, de rire. elle riait, Ah, mais bah tout le monde oui. rit. Ah non, non, ça n'a pas mis un malaise. J'aurais voulu que ça en mette un. En fait, bon, Ouais. pour te dire la vérité, il y avait que le mec qui riait pas et moi, tu vois? Ouais. Toute la salle pliée. Moi, je suis tellement mal quand je vois ça parce que j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de vanne. T'as critiqué Non, le et mec puis j'ai sur envie son de dire, physique. parle-moi de tes sourcils à toi, pas du gars. Voilà, voilà. Ouais, non, c'est Enfin bon. juste. Bah, c'est le premier niveau, hein, c'est le niveau de humoriste. Enfin, c'est le premier niveau, c'est horrible, hein, j'ai pas envie de faire le vieux papy, mais pour moi, c'est le truc que tu fais dans la cour d'école et que c'est à l'autre de faire l'effort. Quand tu fais une Alors. blague et que c'est à l'autre de comprendre que c'est une blague, c'est que ta blague, c'est pas une blague en fait. Alors, j'aimerais tellement te dire que c'était un humoriste débutant. J'aimerais C'est tellement vrai? te Ah, dire c'était pas le ça. cas. Pas du Oh tout. merde. Je peux pas donner le nom dans le podcast, mais en tout cas, voilà. C'est bon. Je veux même pas l'avoir le nom au final. Ouais. Je veux Alors, jamais que ok. tu me le donnes. J'ai Ah pas non, envie mais. d'être déçu par quelqu'un. Voilà. Je veux te préserver, C'est Vérino, gentil, merci. tu sais. Bon. Et c'est là que je te fais. En fait, c'était toi. Tu t'en souviens pas, mais. C'est exactement ça. Je me dis, moi j'aurais fait ce genre de vanne ou pas? Tu sais, j'ai réfléchi et je me dis, mais non, jamais, à aucun moment j'aurais fait ça. Aucun. Mais moi je peux pas, tu sais. Alors attention, moi Ouais. si un mec m'attaque, je vais répondre. Mais là en l'occurrence, il y avait rien, il y avait zéro attaque. C'est Oui. tu vois? Donc moi je peux pas faire ce genre de blague et je suis gêné. J'ai assisté à deux trois spectacles comme ça où il y avait des attaques méchantes. Et alors il y en a qui sont clients, tu sais, il y en a qui aiment bien ça. Il y en a qui veulent qu'on les défonce, mais la plupart des gens non. Je te donne un exemple, c'est quoi? Moi bon, je suis en surpoids et tout, j'en joue, je fais de l'autodérision, il y a Quoi? pas de souci. Je te jure. Terminé. Les gros arabes, c'est nul. Alors, les Arabes, c'est pas bien, les gros Arabes, c'est pire. Exactement. J'imagine trop des gamins dans une cour d'école avec des banderoles, tu sais. Les gros arabes, c'est nul. Bah, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Bon, Ben, pardon, écoute. excuse-moi, je t'ai coupé. Oh non, pas de souci. Ben, tu sais, quelque part, il y en a certains qui le pensent. Donc, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que, ben, tu vois, moi, étant en surpoids, je prends des remarques à chaque fois de la part de mes collègues de Ouais. boulot, des trucs comme ça, des gens, tu sais, qui veulent faire une blague. Et surtout, quand ils savent que tu es humoriste, pour eux, c'est comme si c'était un permis. Tu vois, ils se disent, Ouais, oh, ben, évidemment. c'est bon, il est humoriste, je peux le vanner. Et du coup, ils me font des vannes. Moi, je fais de l'autodérision. Je suis le premier à me vanner. Mais par contre, qu'on m'en fasse, c'est autre chose. Ça dépend. Si je vanne une personne et qu'elle me vanne, évidemment, c'est de bonne guerre. Mais souvent, c'est gratuit. C'est genre, je vais dire, je sais pas, moi, il y a un mec, il va me voir manger un truc ou quoi. Et je sais que tous les gros qui m'écoutent, d'ailleurs, je les embrasse, toutes mes petites paupiettes, on est tous des paupiettes, tu vois. Je les embrasse, mes paupiettes. Je vous aime parce Spécial qu'on souffre. Kevin. Ah Hein? oui, t'as raison. Ah, Ben je oui. voulais dédicacer aussi. J'avais envie d'être dans votre groupe. Alors moi, j'y suis pas. Je suis trop mince, mais pff, le Je te cœur y est, donnerai quoi. la recette, t'inquiète pas. C'est gentil, merci. C'est le cas de le dire, hein, la recette. Bon, et donc je te dis, vraiment, je veux dire, tu vois, il y a un mec qui va te voir en train de manger, il va faire, ah, tout le temps en train de bouffer celui-là, tu vois. Par exemple, toi, peut-être, t'as pas bouffé depuis 2 jours. Enfin, j'exagère, mais genre, t'as pas bouffé depuis hier soir. C'est le premier truc que tu mets dans ta bouche. Il y a quelqu'un qui va te dire, ben punaise, tu penses qu'à bouffer, toi. Non, c'est juste que, tu vois, c'est juste que tu me vois comme ça et tout. Enfin, voilà. Moi, je Ah, te mais jure, quelle ça me rend horreur, parce qu'en malade. plus, et ouais, et puis c'est à toi de le supporter, parce que lui, il a décidé, ouais, c'est ça qui est terrible, c'est quand l'humour, il est décidé par l'émetteur. Mais je pense que la société va évoluer là-dessus et qu'il y a un moment, on va comprendre, tu sais, on est dans la phase un peu où on marche à reculons, enfin vraiment, il y a un truc en se disant, non, non, ça va, les gens, il faut qu'ils apprennent à rire d'eux-mêmes, etc., etc., etc. Mais en parallèle, quand même, on progresse sur le fait qu'on comprend que c'est le récepteur qui doit comprendre la vanne. Alors Oui. parfois, il y a des récepteurs qui sont teubés, hein. Enfin, on est d'accord. Il y a des gens, tu te dis juste, eux, ils sont allergiques et puis ils sont cons, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, tant pis, ils comprennent pas la vanne. Mais je pense que globalement, il y a quand même pas mal d'émetteurs qui se remettent en question et qui finissent par se dire, ok, peut-être qu'effectivement, voir un gros et lui dire encore en train de bouffer celui-là, c'est la vanne qui se prend 50 fois par jour, qui n'est pas. En fait, c'est même pas une vanne. Parce que Mais oui. encore en train de bouffer celui-là, c'est même pas une vanne. En fait, c'est ça le C'est une problème. critique. Fais-moi une vanne. Fais-moi une vraie bonne vanne sur le fait que je bouffe. Ouais. Mais là, tu me fais pas de vanne. Là, tu me donnes une information. Comme si tu n'étais pas au courant. Attention, Sofiane, tu es encore en train de bouffer. Ah Merci. zut, j'avais pas vu. Ah, Oh, pardon, c'était ça le j'arrête. mouvement de ma bouche. J'arrive pas à parler, il y a quelque chose. Non, mais tu vois, mais Incroyable. c'est ça. Et alors, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, c'est très intéressant. Tu as dit, il faut que les gens apprennent à rire d'eux-mêmes. Je suis totalement d'accord, mais il faut que ce soit Ouais. eux qui. Mais tu vois, faut que ça vienne d'eux. Faut pas qu'on les oblige, parce que tout le monde. Tu sais, regarde, un C'est exemple. ça. Quelqu'un, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un à qui il va arriver un accident, je sais pas, un accident grave. Combien de temps il va mettre à retourner sur la fameuse route où il a pris l'accident, tu vois? Je parle en Mais ouais. connaissance de cause. J'ai eu un accident avec ma première voiture. Et du coup, vraiment, quand je retournais là-bas, j'y retournais avec appréhension parce que je me disais, j'ai failli mourir ici, tu vois? Et j'ai mis du Est-ce que temps. les gens t'ont dit, ah là là, Sofiane, encore sur cette route accidentée? Mais non! Bizarrement, tu vois, encore sur cette route accidentée avec ton sandwich, t'abuses. Non, mais je veux dire, les gens, tu vois, deux personnes qui ont eu un accident sur une route, bon, deux endroits différents et tout. Peut-être Bien qu'il y en sûr. a un qui va pouvoir retourner conduire sur la même route le lendemain sans problème, il aura déjà digéré l'information. Peut-être que l'autre, il va Ouais. mettre un an ou deux avant d'y retourner, tu vois ce que je veux dire? Oui, et c'est celui qui souffre qui décide. Enfin, je veux dire, On c'est est celui qui d'accord. souffre. Donc c'est pas celui qui dit, oh, arrête de souffrir. Comment tu peux dire à quelqu'un, arrête de souffrir? Comment tu peux dire à quelqu'un, oh, ça va, c'est une vanne, Ouais. quoi. Mais c'est vraiment pour moi la même chose que. En fait, on arrive vers une convergence des luttes sociales là-dessus. Enfin, sociales, non, mais en tout cas idéologiques sur. Parce que ça c'est tout le problème du rire, du racisme, de l'antisémitisme, du féminisme. C'est qu'en fait, tous ces trucs-là, la cause commune, c'est en fait, et même des trans L'intolérance. d'ailleurs, ouais, Ouais, la cause c'est commune, c'est l'intolérance. tolérez-nous et rions ensemble de choses qui peuvent nous séparer, mais ne riez pas de nous, quoi. Parce que moi, je trouve que l'humour, pour en revenir sur les Arabes, je trouve que. Pendant des années. Non, mais moi, j'ai été élevé les Arabes, c'est des voleurs. Et c'était Ah. rigolo de le dire, et c'est comme ça, et c'est machin. Et moi, ça m'a évidemment toujours choqué, tu vois, de juste. Je me demande où est la vanne, en fait. Quand Ouais, la il n'y vanne, en a pas. c'est une... Bah voilà, c'est ça. Sauf que toi, tu vis avec ça. Toi, Sofiane, tu grandis avec ça. Et quand tu dis à un moment, est-ce qu'on peut faire d'autres vannes de ça? Le mec qui va faire la vanne te dit, ah ça va, t'es pas Oui, capable de rire. Bah si, je serais capable si tu faisais des bonnes vannes en fait. on est Je d'accord, pense. mais tu. Ouais, je veux dire, je reproche pas à ces gens-là de vouloir faire de l'humour, mais je leur reproche de vouloir te forcer à accepter. Et le pire, c'est que moi, je suis humoriste. Donc déjà, il y a des collègues de boulot et tout, par exemple, tu vois, qui sont... parce qu'en fait, quand tu es chauffeur de bus, tu prends du poids, tu vois, parce que tu restes toute la journée assis au volant du bus et tout, tu manges à des heures Ouais. décalées, tu dors à des heures décalées. Donc vraiment, le chauffeur de bus, c'est Trouve-toi une l'ennemi. excuse. Trouve-toi une excuse. Bon, Pas écoute... Je vais pas te mentir, je vais pas te mentir. J'étais en surpoids avant, tu vois. J'avais déjà préparé le coup, moi. Tu vois? Mais non, non, vraiment, non, non, non. C'est la vérité. Tu peux demander à n'importe quel chauffeur de bus. Évidemment, tout le J'imagine. monde. Bah, je veux dire, tout le monde ne Ouais. prend pas 20 kilos. Tout le monde prend pas 20 kilos. Mais honnêtement, n'importe quel chauffeur de bus te dira, depuis que j'ai commencé le métier, il va te dire au moins 5. J'en suis sûr, Non, mais au moins moi, 5. Tu ça vois? fait un an que je ne monte pas sur scène et que tous les soirs je suis chez moi et qu'au lieu de jouer, je bouffe. Je suis pire qu'un chauffeur de bus. Hein. Enfin, je veux dire, je comprends tout à fait. Hein. Oui, mais voilà. Mais Je ce suis que je veux arrivé dire, c'est que récemment. tu vois, bah, notre métier, c'est l'ennemi du régime, on va dire. Mais après, je Bah vais pas te ouais. mentir, évidemment, il y a des chauffeurs de bus plus veltes et tout, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des collègues qui prennent ce genre de remarques-là et tout. Et le truc, c'est qu'ils sont pas humoristes. Moi, je suis humoriste. Donc le problème, c'est que les gars, ils me voient, ils me font, oh, mais t'es humoriste, toi, tu devrais accepter de rigoler et tout, t'as pas d'humour. Tu sais, le fameux, t'as pas d'humour, tu vois. Bah ouais, tu Bah si, j'en ai, mais quand c'est marrant, quoi. m'étonnes. Voilà, c'est ça. C'est bête à dire, hein, mais bon. Mais on parle là-dessus. Moi, je te dis, j'ai toujours eu une empathie envers les spectateurs et tout. J'ai toujours fait attention. Après, quand c'est un mec méchant dans le public ou une femme méchante qui balance des méchancetés et tout, si jamais j'ai une blague qui m'arrive en tête, tu sais, une impro, et que c'est méchant, franchement, je la balance quand même. Parce que du coup, c'est de bonne guerre, tu vois. Ouais, Mais complètement. gratuitement comme ça, jamais de la vie. Le public, je suis tellement content qu'il soit là. Je te jure, je fais partie des humoristes. Je pense que tu es comme moi. On est tellement content d'avoir du monde dans nos salles. Je te jure, moi je suis, tu vois, sans parler de Covid ni Tu rien, je m'étonnes, suis à deux quoi. doigts d'aller les prendre dans mes bras un par un pour les remercier d'être là, tu vois. Ah ouais. Oh bah c'est tellement bon. C'est-à-dire qu'au-delà, je crois que t'aimes bien l'humour, t'aimes bien faire rire les gens, mais je crois que t'aimes bien les gens. Ben oui. Humainement. Il y a un truc humain de j'aime bien les gens, quoi. Alors c'est cool qu'on se réunisse autour de l'humour, mais toi, ta première problématique, c'est il y a des gens. Toi, on sent que t'es un gars généreux. On sent que t'aimes ça, quoi. Je te remercie vraiment de ce que tu fais toi déjà avec les gens parce que j'étais vraiment, je veux dire, quand je suis venu te voir et tout, tu as pris le temps de discuter avec moi, tout ça. J'ai vu que tu prenais 1 heure ou 2 heures avec les gens pour taper des photos, pour discuter, tu vois. Alors que j'ai vu des gens, bon, je donne pas le nom non plus. C'est toujours le même, il y a un gars qui C'est. Non, non, je te t'emmerde. jure, non, non, c'est quelqu'un d'autre. Mais j'ai vu un truc, je vais te donner un exemple. J'ai vu un truc, j'ai vu un mec une fois qui est monté sur scène. Il est monté, bon, il jouait dans une grosse salle et tout. Ouais. Et le gars, pendant son spectacle, il a joué nickel, il n'y a pas de souci. À la fin, tu sais, j'ai appris, parce que c'est un copain qui faisait la première partie, j'ai appris qu'en fait, il n'allait pas sortir voir la foule pour taper Ouais. des photos avec eux et tout, parce que soi-disant, il était malade. Bon, soi-disant, il était réellement malade. Mais j'ai envie de dire, tu vois, moi, ça me gênait, parce que j'ai envie de dire, premièrement, allez, on va dire, vraiment, tu es dans un état tel que tu ne peux même pas aller faire des photos avec les gens. Déjà, premièrement, préviens-les. Premièrement, à la fin de ton spectacle, tu dis, mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé, je ne vais pas pouvoir rester et tout. Parce que de l'autre côté de la porte, les gens l'attendaient, tu vois. Ouais, préviens-les quoi, ça je suis d'accord. Voilà. Premièrement, Non, préviens-les. mais... Deuxièmement, tu es trop malade pour aller voir les gens. Par contre, pour encaisser leur thune et faire le spectacle pendant 2 heures, là, tu étais bon, là. C'est vrai. Et bah, je me suis retrouvé moi l'année dernière dans cette situation qui m'horrifie parce que bah ouais, moi j'adore prendre du temps avec les gens. J'aime bien rencontrer les gens à la fin des spectacles et tout. Alors déjà, il y a eu l'aspect Covid, effectivement, où pendant quelques mois, bah, on ne pouvait plus simplement le faire. Et puis, il y a un autre truc, c'est que j'ai commencé, moi, quand mon troisième fils est né et que on a commencé, je suis parti sur une grosse, grosse tournée. Et j'avais toujours mes vidéos du vendredi. Et en fait, il y a des moments où j'ai matériellement pas pu sortir parce que j'étais trop fatigué. Oui, Et là, c'est... après, oui. Ben oui, mais en fait, c'est terrible parce que... j'avais cette frustration, c'est-à-dire que à la base l'envie, le truc de bah évidemment que je vais toujours voir les gens parce que c'est génial et puis que ça fait plaisir à tout le monde et ensuite le truc un jour, le jour où je suis au bord, que je leur dis je suis désolé les gars machin et que je me retrouve à l'hôtel au lieu d'être à 1h du mat à l'hôtel défoncé, je suis arrivé à 23h15 et j'ai pu me coucher à 23h30, le lendemain j'étais en forme, ma vidéo était meilleure, je me suis dit ah, merde, est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse mon temps pour faire des vidéos de qualité pour ces gens qui me suivent et que je sois en forme, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse mon temps pour passer un petit peu de temps avec eux le soir, alors que le lendemain je me lève hyper tôt? J'ai pas encore la réponse à cette question, mais c'est tout ça pour dire qu'effectivement, pour en revenir à ce monde non manichéen, eh ben tu vois, c'est la première fois que je me suis retrouvé dans cette situation où je me suis dit merde, peut-être que j'ai pas la bonne technique. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que au moins, je veux dire, t'as prévenu quand même les gens, tu vois. Ouais, alors ça pour le coup Voilà. toujours, hein, sinon c'est horrible. Ouais. Rien que ça, c'est important, parce que moi, je suis sorti du spectacle, je savais, moi, j'avais l'info. Mais les gens Ouais. dans le couloir, ils avaient pas l'info. Ils savaient pas que le mec allait pas venir du tout. Et j'ai envie de dire, alors, à la limite, Et qu'il était déjà à l'hôtel avant de. non, même pas. Il était resté dans le coin et tout, tu vois. Mais je veux dire, à la limite, dis-leur, je suis vraiment désolé. Tu sais, même si tu veux pas leur dire, je suis fatigué, j'ai pas envie ou je sais pas quoi. Au moins, dis-leur, je suis vraiment désolé. Je dois enchaîner là. On doit partir pour la prochaine ville de tournée. Genre, on doit partir directement. On a de la route à faire et tout. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup. Tu vois, voilà. Juste prévenir les gens. Et moi, vraiment, ça m'avait fait mal ça parce que je me dis quand même, le mec. Tu vois, regarde. J'imagine toujours dans la salle le gars qui se dit, je vais aller voir. Bon, on va dire Verino, tu vois. Le Ouais. gars, il va se dire. Allez, dans 1 an, j'ai mes places pour Verino. Et il dit à tous ses potes, parce Dans qu'il est 3 ans, super fan. quand c'est la saison. Dans 3 ans. Bon, j'avoue. Il Écoute, en y a des gens 2047, qui ont j'ai des acheté places leurs pour places Verino. il y a 2 ans. Il y a des gens qui devaient me voir à Lyon. On était complet 1 an à l'avance et la date a été repoussée 2 ans. Donc ça fait. Enfin, elle a été repoussée. Non, ça fait 2 ans qu'ils ont leur billet maintenant et on joue l'année prochaine. Donc il y a des gens qui ont attendu 3 ans pour me voir à Lyon. C'est horrible. Pardon. Bon, et ben tu vois, regarde, imagine, tu vois, ils se disent, dans 3 ans, tu vois, genre, j'ai pris mon billet depuis 3 ans, je rêve d'aller voir Verino et tout machin, t'arrives sur scène, tu joues, le gars, il a dit à tout le monde, c'est quoi, il saoule tout le monde, il est ultra fan de Verino, tu vois, il saoule tout le Ouais. monde avec ça, et il leur dit, je vais enfin le rencontrer, je vais enfin avoir ma photo avec lui. Là, le mec, il va voir le spectacle, Verino, à la fin, il fait, au revoir, merci beaucoup, et il se barre dans sa loge et il dit rien. Ouais, frustration. Hein. Frustration, et le mec, comment il va être le lendemain au bureau? Tu m'étonnes. Ah bah, Tu vois, parce que tout le monde l'attend. Eh ben alors, ta photo? Eh ben alors, Verino et tout. Là, le mec, non seulement, je pense qu'il viendra plus jamais voir un spectacle, mais déçu, peut-être même que son enterrement aura lieu la semaine d'après, tu vois. Tu vois ce que je veux hein. dire? Faut pas qu'on oublie que ces gens qui viennent nous voir, ils sont pas passés devant le théâtre et ils ont dit, ah bah tiens, je vais rentrer. Non, peut-être que ça fait des mois qu'ils espèrent ce Ouais, c'est spectacle-là. Et ça. même, allez, même s'ils étaient juste passés, ils avaient vu de la lumière. Mais ces gens-là, ils ont passé 1 heure et demie avec toi ou plus et ils ont tellement kiffé qu'ils veulent garder un souvenir de cette soirée et se dire, attends, hey, j'ai payé mon billet. Tu sais, surtout que là, le billet en question, il devait valoir peut-être 40 balles ou quoi. J'ai payé 40 balles pour ce Ouais. spectacle. Ouais, Quand même, je peux repartir avec une petite photo, tu vois. Ah, puis c'est sympa. Et puis au pire, faut faire vite. Moi, j'organisais aussi un truc les années d'avant. Je commençais à me demander comment organiser pour que tout le monde ait sa photo, parce qu'il y a des soirs, tu sais, quand tu joues devant 1005, franchement, t'as beau avoir envie, t'as quand même 1 heure et demie de dédicaces, de photos. Donc moi, à la fin, les dédicaces, j'en faisais plus, mais par contre, je faisais des photos. Et j'avais trouvé une technique, on travaillait avec l'équipe, il y en a un qui récupérait les appareils, donc c'était avant le Covid, évidemment, qui faisait les photos, et du coup, on enchaînait. Ce qui fait que, alors, je perdais un petit peu de temps précieux avec les gens, pour les vrais gens, mais par contre, chacun avait sa photo. Parce que c'est terrible aussi de passer du temps, puis que les derniers, en fait, ils finissent par se casser parce qu'il y a école demain, tu vois. Quand Voilà. t'as des ados ou des trucs comme ça, le mec il attend jusqu'à 1 heure du mat et puis il est toujours pas passé. Enfin, Ouais, mais je comprends. Mais tu c'est. vois, toi, c'est de l'empathie. C'est de l'empathie. C'est en mode, je vais faire ça pour faciliter les choses et tout. Ouais. Tu sais, t'es pas en train de Ouais. me dire, finalement, j'ai trouvé un stratagème pour sortir sans que les gens me voient. Tu vois, non. Je me cache discrètement et je pars sur la pointe des pieds. Personne n'utilise cette technique de la pointe des pieds, mais c'est vachement bien. Non mais tu vois voilà, c'est-à-dire toi t'es un artiste, c'est ce que vraiment, c'est ce qui m'a plu en toi dès que j'ai découvert ton travail et tout, c'est que t'es un artiste en empathie, tu aimes les gens et ça se sent, et c'est vraiment ce que bah, tu vois, je le dis aux gens, je le dis d'ailleurs là, je suis vraiment ravi de t'avoir dans le podcast, je l'ai pas précisé mais clairement voilà, je veux dire, Ah bah j'attendais enfin, cet putain, ça épisode. t'arracherait. Ah là là. Ça t'arracherait la gueule de dire que tu m'aimes. Plus d'une demi-heure qu'on discute, il n'y a aucun moment où tu m'as dit un mot gentil. T'es plus le même qu'avant. T'as Non, changé. t'as changé, Sofiane. Depuis que t'es gros et arabe, t'as changé. Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis fan de ton boulot. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît et tout. Et vraiment, quand les gens me demandent quels sont les artistes qui t'ont inspiré, moi, je leur cite très souvent Gad Elmaleh, tout ça. Et tu vois, par exemple, Gad Elmaleh, je sais pas moi, Jamel Debbouze et tout. C'était à la base mon entrée dans le monde de l'humour. Et après, quand j'ai Ouais. vraiment découvert, quand j'ai décortiqué, vraiment, je leur cite souvent ton nom parce que c'est sincère, Ah, vraiment. Ben, mais vraiment, je te jure, ça vient du cœur. Je le dirais pas si je le pensais pas, tu vois. C'est vraiment, c'est ça, je leur dis. Et d'ailleurs, je leur raconte l'histoire avec le mec qui s'est barré. Et je leur dis, regardez Verino. Je leur dis, Verino, il partage avec les gens et tout. Et puis à la fin, il prend le temps de faire des photos avec eux, tout ça. Il prend, voilà. Et je veux dire, c'est exactement mon modèle, moi, dans l'humour, ce genre de choses-là. C'est que tu prends ton temps. Moi, j'ai été inspiré par des humoristes comme toi et tout, qui vraiment prennent le temps et qui aiment les gens. Moi, je vois, j'ai vécu une anecdote avec Ahmed Silla. J'ai fait sa première Ouais. partie à Damary-les-Lys dans le 77. Et donc, j'ai C'est joué le château là-bas de et la tout. Starac? C'est Non, là-bas qu'il y a le château de la je pense Starac, pas. mais j'ai pas chanté, je te le dis tout de suite, j'ai pas chanté. Oh. On a joué à l'espace Pierre Bachelet et c'était vraiment génial. Il y avait 1600 personnes. Il a fait un spectacle vraiment, mais tu sais, c'est Ahmed Silla, c'est un monstre de scène magnifique, quoi. C'était son premier spectacle. Et à la Ouais. fin, genre 5 minutes avant, on était deux premières parties. Il y avait le duo Hot et Cal et il y avait moi, tu vois. Et Ouais. donc le manager nous rappelle et il nous dit, les gars, son spectacle, il reste 5 minutes. Il va vous faire remonter sur scène. Vous allez faire un peu, je sais plus, genre, tu sais, un peu de la trompette ou je sais pas quoi, tu sais, du style comme du air guitare, mais avec une trompette, quoi, tu vois, un peu, je sais Ouais. pas, voilà. Mais. Merci de prévenir. Le mec qui Ouais, monte mais. sur scène, tu vas faire de la trompette, mais je sais pas jouer. Non mais voilà, mais il nous a, mais c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, excusez-moi, je sais pas faire en fait. Et il dit, non, mais vous inquiétez pas. Tu sais, du style, laissez-vous aller, ça va aller tout. Et pour te dire, je suis même pas capable de te dire ce que c'était parce que finalement, ça n'a pas eu lieu. Je vais te dire pourquoi. À ce moment du spectacle, donc il reste 5 minutes. À ce moment-là, quelqu'un dans le public, donc dans les 1600 spectateurs, il y a quelqu'un qui fait un malaise. Donc, Ouais. il s'arrête. Et comme il y avait 1600 personnes, il y avait des secouristes. Donc là, à ce moment-là, ils viennent voir la personne et tout. Ahmed, donc, il arrête son spectacle, clairement, parce que, voilà, il attend, il attend. Et là, les secouristes nous regardent et ils font genre, non, non, ça va pas, quoi. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Donc là, ils ramènent un brancard. La personne, elle sort sur un brancard. Et là, ça jette un froid et tout. Et t'as Ahmed Silla, Tu vraiment. m'étonnes. Ah, mais je te jure. Mais t'as Ahmed Silla, vraiment, il a été professionnel comme pas possible. Il a regardé les gens, il leur a dit, écoutez. Là, la personne, elle part à l'hôpital. On ne sait pas si elle va s'en sortir ou pas. Vraiment, je suis inquiet pour elle. Donc, si ça ne vous dérange pas, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là. Il dit, là, vous avez vu tout le spectacle. Les 5 minutes restantes, c'est pas super. Voilà, c'est pas. C'est de la Vous avez pas merde. raté, quoi. J'ai Non, vu le non. pire à la fin. Non, non, mais genre en gros, tout ce qu'il y avait à voir, les gros effets et tout, vous les avez vus. Il dit Ouais. donc maintenant, c'est que la fin. Il dit, c'est comme vous voulez. Soit je vous fais la fin, vous tenez à la voir et je vous la fais. Soit on arrête là. Et vous inquiétez pas, ça change rien. Vous me laissez juste le temps d'aller prendre une douche et je reviens au bout d'un quart d'heure. Ça change rien. On tapera des photos, on tapera des snaps, on fera tout ce que vous voulez. Mais juste, je vous propose soit on arrête maintenant le spectacle, soit on continue et on termine quand même. Mais je suis un peu gêné, quoi. Et là, les gens lui ont tous fait arrête, arrête, arrête, t'inquiète pas, arrête et tout. Casse-toi, ta gueule, c'était nul. Non, c'est pas ça que je vous demandais. Je vous demandais juste. T'imagines le public. Barre-toi. Ah, je pense que vraiment, vu l'ambiance qu'il y avait eu dans la salle ce soir-là, ça aurait Ah été bah ouais. incompréhensible que ça se passe comme ça. En tout cas, à ce moment-là, donc Ahmed, il part en coulisses et moi, j'avais accès aux coulisses, du coup, vu que j'étais en première partie, je me suis dit, je suis un petit malin, tu vois, parce qu'il y avait 1600 personnes. J'ai vu dans tes spectacles à toi, j'avais été voir le spectacle de Malik Bentala et tout, de mon expérience de spectateur de gros spectacles, en général, tu as la moitié des gens qui se barrent et l'autre moitié qui reste, tu vois, pour faire des Ouais, photos. à peu Voilà. près. Ouais. Je me suis dit, 800 personnes, ça fait beaucoup. Donc, la technique que je vais faire, je vais aller en coulisses. Ahmed va sortir de sa douche, il va aller pour prendre des photos avec les gens, je vais l'attraper avant qu'il y aille. Comme ça, j'aurai ma photo avant tout le monde. Tu sais, pour pas le. Pour, tu vois, enfin, c'est pas une question de l'avoir avant tout le monde, c'est une question de pas le saouler derrière. Tu vois ce que je veux dire? je tout à fait. Voilà. Donc, j'étais en train de parler avec quelqu'un et tout comme ça, et t'as Ahmed qui passe et j'ai pas eu le temps de l'attraper, il a été trop rapide, tu vois. Donc, il est parti et j'ai vu du coup mes espoirs de photo s'éloigner avec lui. J'ai fait non, tu vois, j'étais dégoûté. Donc, il part et il reste pendant, vraiment, je te jure, hein, il a dû rester pendant 1 heure et demie. Parce que Ouais. 800 personnes qui prennent des photos, c'est pas 800 Ouais, c'est photos, hein. long. Voilà, c'est Ouais, pas c'est ça, 800 photos, frère. ça va être 800 fois 2 ou fois 3 parce que les gens, ah, attends, elle est floue et tout, tu vois. Et puis en Donc, plus, ah, au fait, quand vous avez fait On ne demande qu'à en rire, elle était chiante, hein, Christine Barma. Oui. Catherine, d'ailleurs. Je ne savais même plus son prénom. ben, ça se trouve, c'est eux qui se trompaient sur le nom. Ça se Ah oui, trouve, parce ça se que voit. d'ailleurs, on a dû t'appeler de temps en temps, on a dû t'appeler Artus ou j'en sais rien, non? Artus, non, on était trop différents. Ouais, Il on y t'a pas avait, confondu? si, avec du Florent Perse, il y a des fois, ouais, ça m'est déjà arrivé en festival, effectivement. Oh, ça, c'est un truc marrant, ça. Bon, Ouais. tu vois, ça, c'est une anecdote, j'avais pas pensé, mais vraiment, je te le raconterai, c'est très drôle. D'accord, ben il n'y a pas de souci. On met la Il n'y a pas de punaise sur souci. Florent Perse, Ouais. et donc on continue. Donc, toi, tu te retrouves Florent Père. avec, Ok. effectivement, lui, il fait 2 heures de photos. Ouais, donc 1 heure et demie, 2 heures de photos et tout, il revient. Moi, je me suis dit, après avoir tapé toutes ces photos, il va revenir la gueule en mode ouf, enfin, quoi, tu vois, j'ai terminé. Il revient tout sourire, vraiment. Et à ce moment-là, alors je tiens à préciser pour les auditeurs, à ce moment-là, il venait de faire le Marrakech du Rire, donc standing ovation au Marrakech du Rire. Il avait Ouais. cartonné au Jamel Comedy Club et il était au cinéma, au moment où on était au spectacle, il était au cinéma dans l'Ascension. Donc Donc le vraiment, mec il était en était train au. de s'envoler, quoi. Voilà, il est en train de s'envoler. Donc, si tu veux, la grosse tête, il aurait pu l'avoir à ce moment-là. Et là, il est revenu tout sourire et il me voit. Et moi, vraiment, j'ai même pas osé lui demander la photo. Tu vois, je l'ai regardé comme ça, genre, hein, salut, tu sais, un peu. Voilà, quoi. Non, mais tu sais, j'ai fait en sorte que ça se voit pas. Et je te jure, il m'a regardé, il m'a fait, oh, Soso, on n'a pas fait de photo, toi et moi. Tu T'es vois? gentil, hein. T'imagines quand même, le mec, il a osé m'appeler Soso. D'où il m'appelle Soso? Tu vois ce que je veux dire? Et on va le retrouver, on va le défoncer. Écoute-moi bien. C'est un mec qui est resté. T'as l'impression qu'il est resté. Alors, moi, je le côtoie plus depuis quelques années. Ça fait 3-4 ans qu'on s'est pas vu. Mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir un gars qui démarre. Quel que soit son niveau, quel que soit le moment où il arrive, il a la soif du mec qui vient de démarrer la scène, quoi. Il a l'envie comme si c'était sa première fois et d'une simplicité, d'une concentration. Et ça ne m'étonne pas ce que tu viens de dire, parce que ça, il fait partie des gars généreux, il fait partie des gars que quand ils montent sur scène, ils ne montent pas sur scène pour se montrer, ils ne montent pas sur scène pour la grosse tête, ils ne montent pas sur scène pour faire carrière, ils montent sur scène parce qu'il aime les gens. Et donc quand il sort de scène et qu'il va saluer le public, il le fait avec plaisir. Et quand il sort des séances d'orthographe, quand il sort des séances d'orthographe, en vrai, c'est des bons moments, hein. C'est des super moments que tu passes avec les gens parce qu'ils te disent merci, en fait, c'est la vraie vie, c'est le vrai contact que t'aimes. Autant que sur un plateau, et bah, tu le retrouves après avec les photos, quoi. Bah c'est un plaisir en vrai de partager avec les gens parce que tu as envie de leur dire, vous n'êtes pas que des billets pour moi, vous n'êtes pas que des tickets de spectacle, tu vois. Mais Tu as en envie de fait, leur vous dire. n'êtes surtout pas des tickets de spectacle. Moi, pour moi, ça n'a jamais été ça. En fait, j'ai l'impression, de mon côté, de faire un clivage total entre l'argent que je gagne et les gens qui sont Ouais. dans la salle. Pour moi, les gens qui sont dans la salle, c'est cool. Et à la Mais c'est pour fin, bah, partager j'ai un de l'argent moment. dans ma vie. Oui, Ouais. bah, Donc pour moi. je pense qu'en fait, tu es comme moi. Très honnêtement, même si on te disait il n'y a pas moyen de gagner de l'argent avec ce métier, tu peux continuer à Ah jouer ouais, devant les gens, mais rien à tu ne seras foutre. jamais payé, mais tu le ferais. Mais Voilà. ouais. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que je pense que je suis encore là. C'est qu'en réalité, parce que tu mets du temps avant de gagner de l'argent quand même dans ce taf. Et quand tu Ouais. commences à en gagner, c'est mortel. Mais En et fait, c'est que du d'ailleurs, il y a un bonus, quoi. moment. Ouais, c'est que du bonus. Et puis je pense qu'il y a un stade où n'importe quel artiste commence à gagner. Un artiste qui commence à être un peu connu, qui commence à gagner beaucoup d'argent, bah, il va se poser des tas de questions sur ses envies, quoi. Moi, vraiment, je le dis, s'il y a des gens qui ont envie de donner beaucoup d'argent à Verino, allez-y, les gars, ça va rien changer à mon avis. Hein. Moi, je fais vraiment pas ce métier pour la thune. Hein. Je fais Non, ce non, bien métier sûr. parce que je suis passionné, quoi. Donc, Parce que tu aimes les gens, c'est ça. Quand je disais tout à l'heure, voilà, genre, vous n'êtes pas que des tickets de spectacle, bien évidemment, je dis pas que ce sont des tickets de spectacle et autre chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce vous que tu as êtes. dit. Vous... Ce tu que l'as tu as compris comme dit, ça. Tu tu l'as. es malsain. Vous l'avez compris. Vous Non, l'avez mais. compris comme ça, monsieur Mélenchon. Vous l'avez compris comme ça. Bon. Non, je Non, suis mais tu vois. d'accord avec toi, effectivement. C'est un tel moment, tu vois. Alors, je l'ai vécu moi aussi à ma petite échelle, hein, bien évidemment. Bon, je veux pas me la péter, hein, Vérino, hein, mais je pense qu'il y a bien des fois au moins 14 personnes qui m'attendaient à la fin du spectacle, hein, donc Bah voilà non, quoi. mais tu sais que pour moi, il n'y a aucune différence entre tes 14 et mes 600, tu vois. On est au même stade. Enfin, c'est évidemment, je suis pas stupide et je vois bien que je remplis plus mes salles que toi, mais en soi, en dehors de la notoriété, on est au même stade, le même stade d'envie, le même stade de joie quand on perçoit les gens. Enfin, tu vois, sur les vraies valeurs, on est au même stade. Après, C'est il y a vrai. une question de remplissage de salles, mais c'est autre chose, c'est un autre problème. Non, Mais sur les totalement, vraies bien sûr. valeurs, on Je est au même stade. plaisantais. Moi, si tu veux, mon but, c'est que si j'ai que 14 personnes qui viennent voir mon spectacle, je veux que les 14 repartent Ouais. heureuses et qu'on tape des photos à la fin, qu'on passe un bon moment. Je veux juste leur faire comprendre que je ne suis pas là pour délivrer une performance et me barrer, tu vois. C'est un ensemble, c'est un package, tu vois. Le spectacle continue au-delà du spectacle. Et je dis pas ça dans le sens, je vais faire des blagues même après la scène. Je dis ça dans le sens, on va partager un moment, tu vois. On va partager quelque Ouais. chose. Voilà. Mais en tout cas, ouais, toi, tu as dû vivre des trucs comme ça aussi. Bah là, même si les spectacles se sont vraiment calmés, on va dire, hein, mais ah mais attends, mais tu as eu la chance d'aller t'échapper. Moi, je me suis échappé Quel bonheur. Ah, mais je me suis échappé l'autre jour, je te jure. Je me suis exilé pour aller jouer à Barcelone. J'ai fait deux plateaux. Franchement, Ah, c'était ah, génial. c'était génial. C'était tellement bon. Et j'ai vu, et je te jure, quand je t'ai vu, toi qui as annoncé sur ta vidéo que tu avais joué au Luxembourg, j'ai fait waouh, super, lui aussi, il a réussi. J'étais content, tu vois, pour Ah toi non, et mais tout. c'était mortel. Mais tu sais que c'est Ah. drôle parce que pour le coup, alors là, il y a un beau lien à faire avec tout ce qu'on vient de dire sur la générosité et l'amour de jouer devant des gens parce que moi déjà, ça me manque de monter sur scène. Je me suis jamais plaint pendant tout le trajet de ce Covid parce que je me suis dit oui, je suis quand même privilégié à la base. J'ai de la chance de faire ce que j'aime dans la vie. Donc se plaindre que d'un coup je le fasse plus, je trouve ça un petit peu égocentrique, etc. Donc j'ai toujours essayé de prendre un peu de distance par rapport à ça. Mais n'empêche que depuis, je vais dire, 4-5 mois là, je commence vraiment à alors souffrir, c'est un bien grand mot, mais ça me manque réellement. J'ai un problème, moi là, je sens que j'ai besoin de ça. Je crois que c'est un peu ce qu'avait dit Bounaïmin dans ton podcast. Il avait dit un truc du genre on a Ouais, le droit de souffrir, mais on n'a pas le droit de se plaindre. c'est ça, c'est ça. Et bah, tu vois, moi je crois que depuis ces moments-là, je réalise qu'effectivement, ouais, on n'a pas le droit de se plaindre, mais effectivement, effectivement, on a le droit de souffrir, quoi. Et Mais oui. je manquais de ça. Et donc, quand j'ai appris que j'allais jouer au Luxembourg, bah, génial. En plus, c'est une date c'est même pas une date qui a été rajoutée, c'est une date qui existait, qui était dans Ah. l'agenda et qui juste a pu se jouer parce que les restrictions ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, tu vois, en France, c'était bouclé, mais au Luxembourg, non, ça continuait à jouer. Donc, on a attendu pour savoir comment ça allait se faire. Et en fait, déjà, c'est une salle qui est pas très grande. C'est une salle de 200 places là-bas. Donc, ça a vite été complet et c'était une très bonne nouvelle. Mais en fait, on s'est rendu compte que j'allais pas simplement jouer au Luxembourg, j'allais jouer au Luxembourg dans des conditions de pandémie. Et en Ouais. réalité, là-bas, les conditions sont telles qu'il y a 2 mètres autour de chaque personne ou groupe de personnes qui vient voir le spectacle. Et donc, en fait, dans une salle de 200 places, on s'est retrouvé à jouer devant 32 personnes. Et Là, c'est de la sensation. distanciation sociale, là, oui. Et c'est là que je voulais faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est que 32 personnes, enfin, je veux dire, moi, la dernière fois que j'ai joué avant la pandémie, on était 1500 dans la salle. Donc, je Oh. passe littéralement de 1500 à 32. Ça te fait quoi d'être devenu Sofiane? Ça te fait quoi? Écoute, c'est génial. En vrai, je trouve que c'est toi qui as raison. Oui, c'est un choix, absolument, c'est un choix. C'est ça qu'il fallait faire. Non, mais hey, je tiens à préciser avant de te laisser reprendre, excuse-moi, je tiens à préciser, bien évidemment, je ne me plains pas. Toute ma vie, tu sais quoi, moi je l'ai toujours dit, même si on devait me dire, tu signes là, tes salles seront pleines. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le remplissage, tu vois, c'est le taux de remplissage. C'est-à-dire que Ouais. je m'en fiche de jouer dans une salle de 100 ou de 20 000 tant que c'est rempli à 100%. C'est-à-dire, si tu me dis, signe là, tu ne seras jamais connu, mais par contre, toutes tes salles seront remplies, mais tu joueras dans des salles de 200 maximum, je signe tout de suite, ça ne me dérange pas du tout. Mais évidemment, c'est les plus belles carrières d'ailleurs. C'est moi, bizarrement, je suis plus rempli. J'ai plus de monde dans mes salles depuis que je suis sur YouTube, donc évidemment. Mais par contre, ma notoriété, elle n'est pas aussi grande. Tu vois, on parlait d'Ahmed tout à l'heure. Je pense qu'on fait. Je pense qu'il remplit un peu plus que moi maintenant, mais il y a. Mais encore, je suis même pas sûr, parce que j'ai tellement. On remplit tellement vite avec YouTube et le public est tellement, tellement. Enfin, j'ai vraiment la chance d'avoir un public génial et donc Ouais. on est complet hyper vite. Il y a des tas d'artistes aujourd'hui très très connus et Ahmed en fait partie. Pour le coup, tu parles d'Ahmed Silla, il y a plein de gens qui le connaissent. Moi, ma grand-mère, limite, elle me connaît pas moi, tu vois. Donc. Je trouve que moi j'ai beaucoup de chance, c'est d'avoir un écart de notoriété, un ratio de notoriété et de remplissage de salle qui est génial parce que je suis pas une star, donc c'est hyper agréable dans ma vie. C'est-à-dire, je peux vivre au quotidien, il n'y a que les gens qui m'aiment bien, qui me connaissent. Et puis en parallèle, par contre, mes salles sont remplies et c'est un bonheur parce qu'elles sont remplies devant pas des gens qui viennent voir un gars connu, mais des gens qui viennent voir un gars qu'ils aiment bien. Donc il n'y a que dans ma salle des gens qui comprennent mon délire, quoi. Je comprends. Mais tu vois, tu dis ça, ça me rappelle un petit peu ce que dit Shirley par rapport à la tournée qu'elle avait faite avec Adrien Arnoux. Ouais. Ça a dû être une tournée un petit peu de nettoyage de son public, entre guillemets. Non pas qu'elle les aimait pas, mais que eux, en fait, ils voulaient la voir parce qu'ils l'avaient vue à la télé. Et en gros, Bah ils la voulaient même, voir hein. la Ouais. Shirley dont on ne demande qu'à en rire. Alors que Shirley, c'est plus du tout ça, quoi. Et puis il venait voir la collection, enfin moi aussi. C'est pour ça que je vais pas te mentir que je suis allé sur YouTube. C'était aussi pour nettoyer le YouTube de mes anciens passages dont on ne demande qu'à en rire. Parce qu'en télé, je ne me suis jamais considéré très bon. Je m'en suis sorti, je suis content, mais en vrai, ça a pas jamais j'ai regardé mes passages en me disant ah, c'est ce que j'aime dans la vie. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est ce que je fais sur YouTube. C'est ma liberté totale de parler avec le public dans la salle si j'en ai envie. C'est mon rythme, mon montage, mes vidéos, mes choix de thèmes, enfin. Tout ça, et d'ailleurs, on le ressent bien, philosophiquement, ça donne un travail meilleur, et puis les salles sont plus pleines. Mais à la base, mon envie, c'était ce nettoyage aussi, entre guillemets, vraiment gros, gros, gros guillemets pour le nettoyage, parce que tu es toujours content d'avoir des gens dans la salle, mais entre avoir un public dans la salle et avoir un public dans la salle qui vient te voir, c'est différent. Ben, tu Et veux pas puis, qu'il je vais soit voir la déçu. collection, oui. Je me rappelle de quelque chose que tu m'as dit à un moment, c'était pour ton deuxième spectacle. Je t'avais dit, parce que je venais d'avoir ma première critique négative sur Billy Reduc. Et je me rappelle, Ouais, elle m'avait fait mal. mon Et je pauvre, t'avais mais oui. dit, ah, ça fait mal. Et je t'avais dit, ouais, je suis dégoûté et tout. J'ai eu ma première critique négative. Je savais qu'elle arriverait, hein, je l'attendais limite, tu vois. Mais je me Ben, bien rappelle que tu m'as sûr, dit un bien sûr. truc et tu m'as fait hurler de rire. Tu m'as dit, corrige-moi si je me trompe, mais tu m'as dit un truc du style, mais tu sais quoi, au début, ça me prenait la tête, les critiques négatives, quand je vois que quelqu'un n'a pas aimé mon spectacle et qu'il met une critique. Et finalement, je me dis, bah, tu sais quoi, t'es tellement méchant dans ta critique que j'espère que t'as galéré ce soir-là. J'espère que vraiment, t'étais J'espère que tu as dégoûté d'être passé là une et tout, tu mauvaise vois. soirée. Ça ne m'étonne pas. J'ai plusieurs pensées là-dessus. Il y a effectivement, au début, je me disais, j'espère vraiment que tu as passé une soirée de merde. Quand les gens ils te critiquent vraiment méchamment, tu dis, bah, Ouais. j'espère que toi, tu as été triste, que tu vois, que ce soit justifié. Et après, j'ai un peu évolué là-dessus. Je dirais qu'aujourd'hui, je me dis que je lui rends service quelque part. C'est qu'il avait besoin de sortir quelque chose et que ça lui fait du bien de balancer un truc et de détester quelqu'un. Et si c'est moi, c'est parfait. Et puis ensuite, je me dis aussi que. Quelque part, on est utile au niveau créatif. Je pense vraiment que l'être humain, c'est un animal créatif et qu'on a besoin de créer. Et que moi, j'ai de la chance, vous le voir aussi dans ma vie, c'est que je suis chanceux parce que j'ai choisi un métier dans lequel je peux créer tout le temps. J'écris, j'écris, j'écris, je fais ce que je veux et je m'amuse. C'est pas le cas de tout le monde, quoi. Il y a des tas de gens qui ont des métiers qui sont pas créatifs, dans lesquels ils tournent en rond et ils ont besoin de créer quelque chose. Et en fait, bizarrement, je leur donne avec quelque chose qu'ils aiment potentiellement pas chez moi. Eh ben, je leur donne de quoi créer, parce qu'ils peuvent D'accord. critiquer quelque chose. Et ça, et donc, je pense que quelque part, je me dis que même en étant pas aimé, en fait, tu rends service à la personne qui t'aime pas. Oui, Voilà. est-ce que tu veux que je mette le lien de ton spectacle sur Billy Réduc pour que les gens puissent lâcher leur Ouais, créativité? aller chier dessus, ça va te faire du bien. Mais en vérité, je me suis rendu compte d'autre chose, c'est que ça n'a tellement pas d'impact, c'est terrible, hein, mais on est dans ce monde où tout est noté tout le temps, pareil, machin, mais en vérité, si t'es bon, t'es bon. Il n'y a pas. C'est pas parce que Michel de la Conta aura dit que ton spectacle il est nul et qu'il a mis ça sur Billy Reduc que vraiment ça aura un impact. Je pense que nous on est la première génération en fait. Je sais pas depuis combien de temps tu joues exactement, mais 8 ans à peu près. 8 ans. Bah voilà, on est né avec Billy Reduc quoi. T'as grandi avec Billy Reduc et en fait on est la première génération à avoir évolué avec ces trucs-là. Avant Billy Reduc, ça y avait personne. Et puis il y a eu nous en même temps que Billy Reduc. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont l'habitude de voir des critiques positives, négatives, machin, et que du coup, ça a presque plus de valeur en fait. C'est vrai. Je me rappelle à l'époque de Kayron, j'avais été le voir en spectacle et à la fin, il disait aux gens, mettez-moi des critiques. Il disait, je m'en fiche Ouais. que ce soit positif ou négatif, mettez-moi des critiques. Et c'est vrai que, si je dis pas de bêtises, Kayron, c'est le recordman de Billy Reduc. Je crois qu'il a genre Ouais, il est pas mal. 12 000 critiques ou un truc comme ça. Et en fait, Ouais. c'est juste parce que il faut que les gens en parlent. Si le spectacle a été critiqué plusieurs fois, positif ou négatif, les gens iront le voir. C'est juste, il faut en parler, quoi. Bah ouais, c'est pas bête, hein. Moi aussi, je faisais ça pendant une période. En fait, déjà, il y a quelque chose là-dedans qui est vachement intéressant, c'est que dire aux gens, mettez-moi une critique, ça va noyer ceux qui... Souvent, les gens heureux, en fait, ils passent pas de temps à le dire qu'ils sont heureux, tu vois. C'est-à-dire, moi, franchement, quand ma livraison Amazon, elle se passe bien, je vais pas perdre mon temps à aller dire que le gars, il a bien fait. En revanche, si je tombe sur un mec qui en a rien à foutre, lui, j'ai vraiment envie de lui faire du mal. Enfin, pas à ce point-là, évidemment. Mais je veux dire, j'ai vraiment envie de dire, bah non, ça se fait pas. En fait, c'est pas cool. Le gars, il a laissé mon colis n'importe où. Il m'a mal parlé au téléphone. Il a insulté mon fils quand mon fils a décroché. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais lui faire savoir qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Même si, en vrai, je vais te dire, dans le fond du fond, moi, personnellement, je ne fais aucun des deux parce que j'ai pas envie de participer à cette société qui note. Ça, c'est un point parallèle. J'ai tendance à laisser des critiques positives, en fait, c'est pour encourager les Ouais. restos, les trucs, les humoristes et tout. Quand par contre, j'ai pas aimé, je ne laisse jamais de critiques négatives, j'aime pas. Je me dis juste, j'y retournerai Ouais. pas, c'est tout, tu vois. Je suis un peu comme ça. Mais c'est vrai, tu as raison, on a tendance, malheureusement, et c'est ce qu'on pourrait reprocher, après on reproche ça à personne, mais c'est ce qu'on pourrait déplorer en tout cas, c'est que quand un spectateur sort de ton spectacle vraiment ravi, il mettra pas forcément une critique, et très Ben souvent il ouais. la mettra pas. Par contre, quelqu'un qui n'a pas aimé, il prendra le temps de l'écrire jusqu'au bout de Exactement. la nuit s'il faut. Et donc c'est ça aussi que c'était de pouvoir leur dire. Moi c'est ce que je faisais aussi sur mon spectacle, c'était de dire aux gens en fait prenez conscience de ça. Si vous avez avais quelques secondes pour le faire, c'est cool parce que ça m'évite de me faire noyer par. Ok, il y a ça. Et puis il y a le côté aussi, effectivement, le nombre fait quand même que. Mais globalement, moi, je le faisais. Et puis à un moment, j'ai arrêté en me disant, bah tant pis, on verra ce que ça donne. J'ai eu moins de critiques, beaucoup moins. Je pouvais avoir quasiment entre 50 et 80 critiques par soir, tu vois, sur Beerduc. Ah, c'est Donc énorme. ça faisait ouais, 200, 300 par semaine, c'était beaucoup. Et puis au final, quand j'ai arrêté de le faire, bah ça n'a rien changé à mon remplissage. Donc je me suis rendu compte que peut-être que je me battais pour rien, quoi. D'accord. Ah, mais c'est quand même beau. Et donc, avant de te libérer, vraiment, j'ai hâte d'entendre la petite anecdote que tu nous as dit, voilà, que tu nous as Là annoncée là, sur Florent Père. sur Que Florent. s'est-il passé? Mais écoute, c'est drôle, enfin c'est drôle et c'est douloureux et c'est pas du tout douloureux en même temps, mais c'est horrible. C'était, je pense, 2000, je vais dire 2008. On est en festival, si je ne me trompe pas, c'est un festival qui se passait à la montagne, et genre, on est 12 humoristes. Donc 2008, tu vois, moi je suis tout jeune, ça fait 2 ans que je fais ce métier-là, et puis dans la sélection des humoristes, il y a Mathieu Madénian, il y a un gars qui s'appelle Topic, il y a Yann Stotz, il y a Florent Père, il y a moi du coup, et quelques. En gros, on est 12, et c'est un festival qui se fait en plusieurs jours, donc c'est très compliqué parce que. Chaque soir, il y a un public différent, il y a un vote du public, il y a un vote de machin. Tu sais, c'est les festivals, quoi. C'est pour savoir qui est le plus drôle du monde. Et puis, et je passe le premier du premier soir. Donc moi, dans ma tête, je me dis, bon, bah, c'est mort, évidemment. C'est toujours pareil, c'est quand tu passes le premier du premier soir, le dernier soir, tout le monde t'a oublié, quoi. C'est évident, tout le monde s'en fout. Donc je passe le premier du premier soir et effectivement, je passe complètement au travers, hein. Je fais vraiment un bon bide. C'est Oh. ridicule. Et puis, non, de toute façon, en festival, je suis nul. Dès qu'il faut être en compétition avec d'autres humoristes, je suis une quiche. Je n'arrive pas à gérer ça. Je ne conçois pas le truc, mais bon, fallait bien y aller, quoi. Et Ouais. donc, et on est quand même là pour toute la semaine. Hein. C'est-à-dire que je passe sur scène, je me prends un bide devant tout le monde. On passe toute la semaine ensemble. Et tous les autres font des cartons, tout va bien, quoi. Et à la fin du festival, donc les quatre soirs sont passés, tous les humoristes sont passés, et le mec monte sur scène pour expliquer qu'en fait, en vérité, bah, il y a eu un niveau tellement dingue que ils n'ont pas réussi à faire un truc avec quatre finalistes, mais ils ont pris 8 finalistes. Et donc sur les 12 artistes, en fait, il n'y a que quatre artistes qui n'étaient pas dedans, et évidemment j'en fais partie. C'est terrible parce que sur le coup, ils ont envie de dire tout le monde est bon, mais en fait le truc qu'ils disent, c'est en fait il y en a quatre qui sont vraiment nuls, tu vois. Et donc je fais partie des quatre nuls. Et à la fin, et donc bon, c'est pas grave, tu vois, tu t'en remets évidemment des années après, mais sur le moment, t'as l'impression que c'est grave. T'as l'impression qu'en fait, tu n'es pas capable, quoi. Et il y a une meuf qui vient me voir à la fin de la. Donc le spectacle est passé, la soirée est passée. Je te passe les regards gênés de tous les gens de tous les professionnels qui sont d'accord sur le fait que tu étais nul, mais que bon, bah, ils n'avaient pas le choix. Et puis cette meuf-là qui vient toute gentille, qui me dit, mais je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté que t'es pas réussi et tout. Et je dis, bah, écoute, merci, ça fait plaisir. Elle me dit, mais j'ai adoré ton sketch, ton truc, là, sur le. Alors, je sais plus ce que c'était, mais effectivement, c'était pas mon sketch à moi, c'était Florent Père. Sauf que moi, j'ai passé 5 minutes à discuter avec une fille qui me dit que je suis génial et qu'elle adore mon humour. Ça me remonte le moral jusqu'au moment où je réalise qu'en fait, c'est pas moi qu'elle parle, quoi. C'est-à-dire que D'accord. vraiment, la petite lueur d'espoir sur ma carrière à ce moment-là, elle était de nouveau réduite. C'est comme quelqu'un qui réussit à s'enfuir de prison et en fait, c'est ses geôliers qui lui ont fait croire qu'il s'enfuyait pour pouvoir le remettre en prison. Oh là là, mon Dieu. Alors la question c'est, est-ce que Florent Père faisait partie des 4 ou des 8? Ah, il faisait partie des 8, il avait cartonné, lui. Alors c'est encore pire, elle a même pas capté qu'en fait Non. elle parlait d'un gagnant. Oh, oh là là là là. Ah ouais, Quelle ah souffrance, ouais. quelle souffrance. Je compatis Mais totalement. souffrance, souffrance, et en même temps tellement, en vrai, tellement chouette, parce que c'est des souffrances que tu as, déjà, il faut les vivre, et puis ensuite, surtout, tu te rends compte à quel point, encore une fois, rien n'est grave. Non, bien Parce sûr, que là, bah non, aujourd'hui, j'en rigole avec plaisir. bah, on est tous de l'école du bide, en fait, et puis voilà, il faut avancer, il faut. Tu sais, je veux dire, quand t'apprends à marcher, t'apprends pas à marcher direct. Au début, tu tombes, et puis après, tu te relèves, et tu tombes, et Ouais. tu te relèves, c'est comme ça. Mais vraiment, c'est quand même dingue de se dire que si cette fille-là, elle s'était arrêtée à je suis tellement dégoûté que t'aies pas été sélectionné, elle t'aurait peut-être, tu vois, elle t'aurait peut-être évité 6 mois d'antidépresseur, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment dommage, quoi. C'est pas passé loin. Hein. T'es obligé d'avoir un petit peu d'ironie quand même. Quand tu te prends ça dans la gueule, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben oui, oh là là. Mais c'est, ouais, ça met les pieds sur terre et puis après, ça te fait sourire, quoi. Tu sais, quand les gens, tu vois, c'est comme moi, par exemple, un truc tout bête, hein. Mais une fois, il y avait une scène sur laquelle j'avais joué, un beau plateau et tout à Paris. Et ils avaient fait une publication Facebook où ils ont pris un risque, hein, tu vois. Ils ont remercié, genre, tous les artistes qui étaient passés dessus depuis un an. Et ouais. T'imagines la liste, à quel point elle était longue, bah, hein. Évidemment. T'imagines. Voilà. Tu sais, s'ils avaient mis que 15 noms. Avec trois petits points à la fin, j'aurais dit ok, je suis dans les trois petits points, tu vois. Mais là, ils ont nommé tout le monde et moi, j'étais pas dedans alors que j'avais joué. Ah ben attends, mais il m'arrive à la même chose. En 2014, j'ai fait le point virgule chez l'Olympia et ouais. J'arrive devant l'Olympia. Il y a tous les noms de tous les artistes et pas le mien. En plus, le tien, c'est pas le plus long, quoi. Ouais, ouais. Bah, heureusement, je l'avais fait l'année d'avant, donc dans ma tête, c'était moins difficile. Oh là là là là, d'accord. Eh ben franchement, je compatis. Hein. Et les gens, du coup, quand t'as débarqué, est-ce que t'as fait une blague là-dessus sur scène? Non, parce que en fait, j'avais peur de mettre trop mal les équipes de production. En fait, c'était une erreur de leur part. Et ouais. Monter sur scène en disant, ah, regardez, ils sont plantés, ça faisait, c'était horrible. Non, j'en ai rigolé avec eux, mais. Pas comme ça, tu vois, mais du style monter et dire, mesdames et messieurs, je sais, mon nom n'est pas sur l'aventure, d'ailleurs, c'est le seul, mais je vous jure, je suis programmé ce soir. Tu vois, c'est tout. Je un me truc si un peu comme pas ça. L'année où je présentais en plus. Ah carrément. Ah bah oui, là c'est même pire là. C'est vraiment la totale. Il manque un nom, je vois pas qui c'est, enfin bref. Tu sais, c'est là que tu te dis je manque tellement de personnalité. En tout cas, merci beaucoup. C'est horrible mais ça nous fait rire et j'ai été ravi, plus que ravi de partager cette heure de podcast avec toi. Je te remercie ah, vraiment. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Vraiment, je peux qu'encourager les gens à découvrir ton travail. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bon, bah sur YouTube principalement hein. D'où ça tombe? Taper Verino, vous voulez, mais c'est vrai que ouais. Sur YouTube en ce moment, je sors un épisode par semaine de stand-up de salon parce que je peux pas les faire dans les salles de spectacle et donc je fais des blagues chez moi tout seul. Vraiment, bah, je pour l'instant, le plaisir pour, d'écriture, ouais. Mais pour l'instant, Macron n'a pas encore découvert l'existence de tes vidéos, donc peut-être qu'il va les interdire après, on sait pas. Hein. Écoute, que au moins j'ai une vraie raison de pas travailler parce que. Ouais. C'est ça le problème, c'est que c'est juste une histoire de motivation. En vrai, je le fais parce que je manquais et d'écriture et de monter sur scène. J'ai toujours la frustration de ne pas monter sur scène, mais au moins j'ai le palliatif de l'écriture, donc ça c'est cool. Ouais. Bon, même parfait, et merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.